Bah, moi, là-bas, je suis professeure de danse. Ah oui. De métier de naissance. Ok. Métier de naissance, t'es née avec la danse. Je suis née en dansant. Ah ben, je me place ici, hein. Hein? Est-ce que je me place ici? Oui, comme okay, tu parfait. Veux. Ok, parfait. Et donc, ce week-end, j'avais un gala de danse. C'est moi qui l'organisais, donc vraiment beaucoup de travail. Non, dans l'Oise, une région... Oui, je sais où. Ouais, tu connais? Oui, bah oui. Super. Oui, l'Oise, bah oui. Et donc, non-stop 2 jours de spectacle, il a fallu tout ranger, puis voilà quoi, donc... Mais je vais attendre quelques secondes parce que je vais brancher l'autre micro, mais après ça, nous sommes prêts. Ok. Je suis à toi. Moi, je parle tout le temps. Non, non, mais c'est bien, moi aussi d'ailleurs, ça va bien. Ah, voilà. Aussi. Alors, tu es du Québec? Oui. Les Québécois, ils parlent beaucoup. Hein. Et non pas du Québec. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça. C'est pas grave. Hein. Parce que t'en connais beaucoup de Québécois? Moi, j'ai une amie qui est québécoise. Ouais. Oh, mais là, ouais, mais c'est une femme, c'est pour ça qu'elle parle beaucoup. Oh, wow, non, ça c'est fou. Ah. C'est rien à voir avec les gènes. Ah oui, c'est reconnu. Ouais, c'est reconnu. Hein. Ah, okay. Ah, ouais. C'est bien. On y reconnaît à Paris comme... Ouais. Hein? Ouais, mais c'est bien parce que les hommes, ils parlent pas beaucoup en général. Et c'est... nous, on n'aime pas ça. Ah non, mais à Paris, les hommes sont très fermés, effectivement. Mais oui. Oh, oui. Hein? Oh, oui. C'est mais, horrible. Mais au Québec aussi. Ah bon? Sauf les gens qui approchent la communication ou les arts ou la création. Ben, pff, parce que ici, les hommes, ben, oh là là, ils parlent pas. Hein? Ben, peut-être qu'ils ont rien à dire. Mieux vaut pas parler quand on a rien à dire. Ouais, c'est vrai. C'est bien dit, hein, c'est bien dit. Alors, c'est ça, à l'origine, t'es danseuse. Ouais. OK. Oui, oui, moi. Bien, premièrement, bienvenue à mon émission Errance Rénaldienne. Merci. C'est un plaisir d'être sur cette radio. Oui, une radio libre. C'est gentil de m'avoir invité. Ouais, ça me fait plaisir et ça m'a surpris que tu acceptes, puisque les comédiens sont comme un peu intimidés par l'émission, puisque c'est humoristique, c'est aussi une émission... singulière, en dehors des sentiers battus. Donc, j'ai dit, les gens qui vont accepter, c'est des gens qui sont prêts à se divulguer, à raconter aux Québécois qui ils sont. Ouais, ouais, voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. Je trouve que toutes les rencontres sont intéressantes. Ah, mais c'est bien. Je suis pas fermée dans un... Un créneau. Voilà, exactement. Moi, je parcours ma vie en faisant des rencontres, quoi. Okay. Je me vois pas du tout... refuser une invitation, quoi, quelle qu'elle soit. Puis un Québécois. Oh, c'est un plus, plus, hein. C'est un plus. Ben voyons. Ben voyons. Ouais, non, c'est un plaisir d'avoir été invitée, quoi. Donc, moi, là-bas, je suis danseuse. Et. Une formation. Formation de danseuse. Dans les moderne jazz à la base, moderne jazz. Et puis après, je me suis pas mal tournée vers le street dance, hip-hop, en vieillissant, ah, oui. Étonnamment, ouais. Ah, la danse urbaine. Ouais. Vraiment, ouais, moi aussi ça me surprend même maintenant aujourd'hui. Ouais. C'est bizarre, hein, de vieillir et d'être attiré par, par plus de musique un peu R&B, rap, hip-hop, ouais, vraiment. Ouais, bah, parce que c'est très vivant, c'est très... Voilà, moi je suis une nature, faut que ça pulse, je suis super énergique, super dynamique et je pense, voilà, ça va aussi avec mon caractère. Le fait d'être tout le temps très énergique, c'est une danse sur très l'adrénaline. Énergique, voilà. J'ai vraiment, tu vois, je vais avoir 38 ans et j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans. Ah, j'en ai 44. Oh là là, ça se voit pas. Hein. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je suis dans une auberge de jeunesse et il faut avoir 35 ans et moins et j'ai passé les douanes. Non. Donc ça a fonctionné. Ben ouais, ça fonctionne. J'ai triché, j'ai mis 77. Mais parce que ton âge, tu le portes sur ton visage avec ton, tu sais, ton état d'esprit, quoi. Moi, il y en a plein qui me disent tu fais pas ton âge. Ben ouais, mais parce que je me vois pas vieillir. Non, mais quand tu vois pour un travail, tu dis pas ton âge ou tu te gênes pas? Si, je le dis. Ah, tu n'assumes? Ah, je mens jamais. Ah non, j'assume qui je suis. Pourquoi je mentirais? Celui qui est pas content avec mon âge, ben, il va se faire voir. On a le droit de dire ça. Ah, on peut tout dire. Voilà. C'est, oui, on peut tout dire ici, c'est la liberté. Il n'y a pas de problème avec l'âge. Pourquoi avoir un problème avec son âge? Regarde comment je suis belle encore. Effectivement, oui. Tu es rayonnante. Tu es comme l'été, le mois de juillet. Mais non, mais je me prends pas la tête. Moi, je vais avoir 38 ans là dans un mois et je suis super bien dans ma peau. J'ai toujours été bien dans ma peau à 20 ans, 15 ans, quand je suis née, il y a 3 ans. Tu vois, j'ai pas ce truc des bonnes femmes qui se prennent la tête. Est-ce que c'est la danse qui t'a amené ça, cette confiance et surtout cette forme? Parce que t'es en forme, t'es vraiment... Ouais, je pense que la danse, mais aussi l'éducation, la culture, tu vois, il y a plein de rencontres. C'est tout ce que tu vis dans ta vie qui fait que t'es ce que t'es aujourd'hui. Tu es née à Paris? Non, pas à Paris même, mais oui, enfin oui, à Paris. Banlieue? Banlieue. Laquelle? Val-de-Marne, 94. Ok, oui. Et tu vois, mes parents, ils ont toujours été très festifs, très dans le... Tout était positif, malgré les problèmes. Tout le monde a des soucis. Ouais. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là. Hein. Je suis vraiment tous les matins, tu vois, je suis pas forcément croyante, mais tous les matins, je remercie la vie d'être en vie. La vie. Ouais, oh, ouais. Voilà, je me. On est quand même privilégié, regarde, là, je suis avec toi, je parle, je suis pas malade. Un peu épuisé. Ouais, fatigué, ouais. Mais c'est la vie. Mais ça reviendra. C'est mon choix. Ouais, ça reviendra. Ouais. Et tout va bien, il y a de la musique. Ouais. Attends, je suis privilégiée, moi, sur cette planète. Il est où le problème? Comme disait Maxime Leforestier, tu es né à la bonne place, hein, au bon moment. Mais oui, voilà. Mais je pense qu'aussi, on est un peu aussi un maître de son destin. Tu vois, il faut... Il faut prendre sa place sur la terre. Si tu te plains toujours, bah, tu t'enfonces, quoi. Je dis pas que j'ai pas de moment de déprime. Je suis comme tout le monde, en fait. Je pense qu'on est tous à se poser des questions, à avoir des soucis, à déprimer. Mais bon, allez, on y va. Hein. Et à se remettre en question. Et à se remettre en question, c'est ça, surtout. L'artiste. C'est ça qui... Ah, complètement. Mais bah, c'est même trop, des fois. Moi, moi, je suis tout le temps dans le doute. Okay. Tout le temps pas contente, pas satisfaite. Je suis très exigeante. Je suis une femme infecte. En danse ou c'est en tout. En tant qu'actrice? En danse, j'ai toujours été très exigeante. C'est jamais parfait. Je suis jamais contente. Mais je prends un pied énorme d'être sur scène. Mm. Mais je suis jamais contente. Donc, okay. Tu vois, c'est contradictoire. Mais à la fin de ton spectacle, t'as pas ce... À la fin, je suis jamais contente. C'est pendant que je suis contente. Ah, c'est okay. Comme l'amour. Ah, ok. Oui, c'est en train de se faire. Quand tu vis la chose... Tu vibres, okay. Il se passe plein de choses. Okay. Mais à la fin, si tu visionnes ou tu te dis « Ah non, là, j'ai pas été bonne. Oh, » Mais j'ai c'est pas le cerveau donné. Qui se met en fonction. Voilà. Tandis que quand tu es sur scène, c'est l'instinct, c'est l'adrénaline. C'est toutes les émotions, voilà. Oui. Donc, je pense qu'on, tout artiste, enfin, moi, je suis comme ça. J'arrive pas à être satisfaite. Après, je me dis « Il faut que j'améliore. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Mais qu'est-ce qui t'a amené à la danse et à la comédie? Est-ce que tu te sens plus danseuse ou comédienne? Ou un amalgame? Je pense que déjà... En tout cas, pour peut-être pas dans le sens contraire, mais pour être danseuse, il faut forcément avoir une part de comédienne en soi. Okay. Parce que quand tu es sur scène et que tu danses, tu exprimes plein de choses à travers ton corps. Oui. Ok, il n'y a pas la parole, mais tu exprimes plein de choses à travers ton corps. Oui. Donc tu joues un rôle. Oui. Tu vois, donc je pense que la comédie a toujours été en moi. Moi, je suis venue à la comédie il n'y a qu'un an, là. Moi, j'ai toujours été danseuse, professeure de danse. Et puis, par rapport à des choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'était un rêve de petite fille d'être comédienne, mais je faisais de la danse. Puis il y a un an, j'ai dit, allez, j'ai réussi un premier rêve, je vais vivre le deuxième, je vais essayer. Donc j'ai intégré le cours Florent à Paris. Mm-hmm. Très connu. Voilà, très connu, une très, très belle école. Et puis j'ai commencé à faire des castings. Et je me suis rendu compte, j'ai tourné quelques petits courts-métrages, joué quelques petits rôles au théâtre. Et puis là, je me suis rendu compte que j'étais faite pour ça aussi, tu vois. Tu vibrais autant. Ouais, je vibre autant. Alors, c'est plus compliqué. Attention. Autant en danse, je fais ça depuis très, très longtemps. J'ai baigné dans ça. Donc, la danse, tu vois, je rentre depuis sur scène. Depuis quel âge, 5 ans? Non, faut pas exagérer. Okay. Vraiment, au niveau pro et tout, j'ai dû commencer vers 15-16 ans, tard, okay. En fait. Ah, tu oui, vois, ben pas oui. Si tôt que ça. Ah non, c'est vrai. Mais si tu veux, à 15 ans, quand je me suis découverte et qu'on m'a découvert, on m'a dit, toi, t'as un don. Donc, tu vois, tout de suite, okay, t'avais déjà quelque chose en arrière sans avoir rien fait. Voilà, tout de suite, c'était évident, une évidence. Alors que le théâtre, faut bosser, hein. Tu vois, parce que quand pendant 20 ans, t'as exprimé des choses, t'es avec ton corps. Et qu'il faut parler. Là, il faut exprimer des choses avec ton corps, mais aussi avec la parole. Waouh! Et la mémoire aussi, là. Et la mémoire, oui, mais ça va, la mémoire, j'ai une bonne mémoire. Et puis, je suis une femme. Hein. N'oublie pas que les femmes, oui, ont une très bonne mémoire. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elles se souviennent de choses. On se souvient de tout. Mémoire sélective, mais attends, hein, okay, t'inquiète. Ouais. Mémoire, ça va. Moi, ce qui vraiment, c'est le côté associer la parole au corps. Tu vois, que le corps soit en accord avec la parole. Avec en harmonie. C'est super dur. C'est super dur. Donc, ça, bon. Le théâtre, être comédienne, c'est beaucoup de travail. Voilà. Mais moi, j'ai toujours eu conscience. Hein. Mes parents m'ont appris, ils m'ont toujours dit, pour réussir ou pour faire quelque chose ou pour prouver quelque chose, il faut travailler. Donc, moi, je suis une bosseuse. On n'a rien pour rien. Hein. Moi, je suis une bosseuse. Okay. Donc, je bosse. Je rêve pas d'être... j'ai jamais rêvé d'être connue. Jamais... Enfin, connue, tu vois, genre... Dans la rue. Être dans les pages de Voici, tu vois quoi. Je m'en fous. Rien à serrer. C'est vibrer, vivre de ça, pouvoir manger. Est-ce que tu en vis bien? Alors pour l'instant, pas du tout. Ok. Alors tu as un autre boulot? Là, je vis encore de mon boulot de professeur de danse, tu vois. Ok, ah, ben oui, mais alors tu vis de ce que tu aimes. Mais complètement, okay, mais c'est ce que je te dis, moi je suis privilégiée. Okay. Je me plains de rien. Okay. Moi je vis toujours de ce que j'aime et la danse, j'y resterai toujours. Okay. Je suis née en tant que danseuse. C'est un pied à terre. Mais oui. Ouais. Je peux pas demain devenir à part entière comédienne et oublier la danse. On n'oublie pas qui on est. Moi, je respire danse depuis que je suis toute petite, donc c'est impossible. Maintenant, je ne vis pas de la comédie, Mais je vais réussir, t'inquiète. Oh oui, lentement mais sûrement. Exactement. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, n'importe où, me speeder. Tu vois, bizarrement, je vais avoir 38 ans et on pourrait se dire, tiens, faut que je me dépêche parce que moi j'ai plus 20 ans. Ben non, moi, je suis pas pressée. Puis il y a des rôles pour nous, pour n'importe quel âge. Ouais, exactement, moi je pense que si je dois avoir ma place à un moment donné, je l'aurai. Je me prends pas la tête. Hein. Les plus beaux rôles, c'est peut-être des rôles de femmes accomplies. Ouais, ouais. Alors, bon, ceci dit, tu sais, là, je viens de faire un casting pour un long métrage. Premier casting que j'ai réussi, tu sais ce que je viens de décrocher? Un rôle de prostituée. Donc, tu vois? Tu joues dans un prochain... Je vais jouer là dans un prochain long métrage d'un jeune réa. Alors, je me rappelle plus son nom, je suis un peu désolée, je pourrais pas lui faire de la pub. J'ai passé le casting il y a 2 semaines. Ouais. Et je suis super contente, j'en reviens même pas. C'est son premier film? Deuxième. OK. Mais bon, faut... Tu m'enverras le lien sur exactement. Facebook, peu importe. Nous sommes des amis Facebook. Donc. Ouais, exactement. et là, il produit, enfin, il réalise son deuxième film. Qui se tourne à Paris? Qui va se tourner à Paris et dans le sud de la France. OK. Une histoire un peu sombre. Hein. Ben oui, la prostitution, c'est jamais... Et moi, je suis une prostituée, donc j'ai quand même un petit rôle. Je suis super contente parce que c'est mon premier rôle quand même dans un long métrage. D'habitude, j'ai toujours eu des petits rôles dans des courts-métrages. Donc là, on passe quand même, tu vois, à un autre... Mais là, t'as passé un test, t'as passé des auditions, un casting. Un casting. Et on t'a dit, ouais, écoute, on te voit. Alors, au début, j'avais postulé pour être la femme de je ne sais plus qui. OK. Est-ce qu'il y a des gros noms sur le film? Non, pas nécessairement. Des quoi? Des gros noms, des noms prestigieux. Non, je pense que c'est pour l'instant... C'est un film d'auteur. C'est un film d'auteur. Ah, comme je les aime. Okay. Ouais, je pense que ça va être un très beau film. Ah, ça, c'est bien. Ouais, puis moi j'aime. As-tu lu le scénario ou si t'as lu juste ta réponse? Alors, toi t'as un petit rôle. J'ai un petit rôle, j'ai lu juste malheureusement mes conséquences, j'ai pas encore eu le temps de lire le scénario. Mais est-ce que t'as des scènes. J'ai des scènes précises? Non, mais osées. Osées en tant que prostituée? Oui, ben oui. Bah oui, quand même. Ah oui. Ah, je suis une prostituée. Non, j'ai pas de scène de. On a le droit de dire oui, cul? Oui, fais j'ai pas de scène de pas cul, je crois pas. Ok. Non, mais tu sais, c'est dommage, parce que tu vois, j'aurais pu en profiter pour un peu ploter et tout. Oui, ah, oui, mais ça dépend à qui, ça dépend à qui quand même. Hein, c'est quand vrai, obligé, ouais. Mais tu sais, les prostituées, je suis pas sûre qu'elles choisissent leurs clients, donc il faut... Oui, mais je crois que le salaire du comédien est supérieur à celle du voilà, groupe. Donc ouais. Je vais pas jouer les fines bouches. Ouais. Bon, je crois pas que c'est la c'est une belle façon de dire ça, oui. Ah. Ben oui. Tu vois? Bon, j'ai pas de scène de cul malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Qui dit, on sait pas, ça peut être modifié. Attends, peut-être. On savait pas comment te le dire, mais une fois que tu es sur le plateau, on va te raconter. Ah, je peux peut-être apporter quelque chose de nouveau, c'est ça, d'original. Oui, oui. Hein, ben oui, tu mais sais. Tu peux titiller le. Tu sais, je suis célibataire, alors okay. J'ai un ah, peu. Ah, ben voilà. Faut peut-être voilà, m'offrir de... quelque chose. Eh, peut-être. Un Québécois, ça. Voilà. En t'entendant. Je lance une annonce. Hein. Ben oui, allons-y. Allons-y. Donc, c'est un rôle de prostitution. Apparemment, je tue quelqu'un. Oh! Et je suis une méchante, hein, je suis une méchante prostituée, oh, ouais. Okay. J'aime bien ça. OK. Parce que tu aimes bien les rôles aux antipodes. Mais ouais, moi j'aime bien les rôles un peu dans les excès. OK. C'est-à-dire que voilà. Mais tu ne l'es pas dans la vie. Oh bah si, un peu quand même. Ah oui, hein. T'es-tu bien excessif? Oh bah ouais. Okay. Excessif, c'est-à-dire moi je. C'est tout ou rien. Moi j'aime. Bah moi je pense que c'est avec ma personnalité, je vis à fond, je croque la vie. Donc tu vois, je suis une passionnée. Je suis une passionnée de la vie. Une épicurienne. Donc si je me mets en colère, tu vas te cacher. Oui. Tu cours. Oui, je m'en vais dans les si toilettes. Si je t'aime, je t'aime passionnément. Si voilà, c'est je suis tout. Un peu dans l'extrême, okay, quand même. Ça va avec c'est moi. Hein. Je pense qu'il a dû déceler ça, le réa, quand il m'a casté, parce que tu vois, en fait, ce rôle de prostituée me va pas trop parce que bon, j'ai jamais trop enchaîné les hommes. Bon, écoute, hein, ah ouais. Grave. Ouais. C'est un rôle, donc. Mais c'est un rôle. Mais il me va aussi dans ce côté, tu vois, je m'énerve, je pète un câble et je suis super agressive. Parce que dans la vie, je suis pas du tout agressive, mais si... C'est un rôle que tu vas aimer parce que tu vas sentir en toi une face cachée. Ouais, voilà, exactement. Je pense que... Mais c'est... Tu sais, la scène, la danse, c'est un exutoire. Ah oui, ah ben oui. Ah oui. Le sport, le, voilà. Ouais. Donc, je pense que la scène... C'est aussi un exutoire, ça permet de dévoiler de à toi-même, faire. De tout faire, de faire des choses que d'oser tu n'oserais faire pas. Des, ouais, voilà. C'est ça, d'oser faire des choses. Et moi, je vais te dire, sur scène, je suis vraiment différente, quand même. Juste plein de trucs. Dans la vie, je suis assez pudique. Sur scène, je peux me foutre à poil. Hein. Okay. Ça me pose pas de problème. Okay. C'est bizarre, hein? Non, mais... Tu vois? C'est le travail, c'est vraiment la sensation d'être sur scène. Et ouais. Et donc, de se sentir à l'aise dans... Ouais. Donc ça me plaît. Et puis l'actualité aussi, c'est que j'ai décroché aussi un rôle au théâtre. Oh. C'est Johanna Cohen. C'est une professeure qui donne des cours au cours Florent, oui. Qui enseigne le théâtre, et qui a décidé de mettre en scène une pièce de théâtre qui s'appelle Ce soir ou jamais, de Philippe Audara et Bruno Chappelle. Okay. Donc elle met en scène cette pièce de théâtre, donc on commence les répètes début septembre. Et c'est un rôle important? Ah oui, j'ai le rôle de Muriel, la femme du personnage principal. Et oui, c'est joué où? Alors, on ne sait pas encore. Okay. Mais ça sera dans un théâtre parisien à l'affiche dès janvier 2012. Okay. Donc écoute, si on est toujours en contact... Ah, c'est bien, ah oui. Je te fais signe. Mais c'est quand même un beau cadeau. Mais oui, c'est un très beau cadeau qu'elle me fait parce que... tu sais, je pense que vouloir mettre en scène, c'est sa première mise en scène. Elle aurait pu, alors je parle à sa place, mais je pense, je me dis qu'elle aurait pu prendre peut-être, elle a plein d'amis qui font du théâtre depuis mais des années. Toi, elle aurait pu prendre des amis ou des gens qui ont déjà 2-3 années de théâtre. Ouais. Et elle m'a fait l'honneur de me choisir. Alors je pense parce que... Bah, j'espère qu'elle a décelé quand même. Tu la connais, tu l'as déjà vue? Alors, je la connaissais pas avant les cours Florent, bien sûr que non. Mais elle t'a vu où? Alors, elle m'a connue dans les cours. J'étais son élève. OK. Donc, elle m'a... Ah, bah OK. Donc, elle a vu... Je pense qu'elle... Voilà, elle sait comment je joue. Elle m'a vu travailler. Donc, je prends ça comme un honneur, un compliment. Ben oui, parce que ça veut dire qu'elle a aimé ma façon de travailler. Puis elle me fait confiance. Dans cette... Alors, cette pièce de théâtre, on sera... Non, mais je veux dire, comme élève, elle en a vu combien? Elle en a vu... Ah bah, Johanna Cohen, elle fait des cours depuis des années au cours Florent, donc des élèves, elle en a vu défiler pas mal. Et cette année, dans sa classe, on était, je crois, une petite vingtaine. Ah, c'est touchant de savoir que dans la vingtaine, c'est toi qui a sorti du lot. Ouais. Oh. Ouais, c'est très touchant. Donc, je suis super contente, tu vois. Mais est-ce que c'est une pièce qui existe ou une pièce qui sera créée? Non, c'est une pièce qui existe, qui a été écrite par Philippe Audara, Bruno Chapelle. C'est une pièce contemporaine, une pièce de théâtre. Oui, oui. Qui a déjà, je crois... C'est une comédie? Une comédie, ah oui. OK, alors c'est plus... Tu vois, c'est très marrant, c'est très comique. Oh, oui, okay, on va bien se marrer. Oui, on se mettra pas, pas la tête. Ça parle beaucoup, tu sais, beaucoup de cul, hein. OK, c'est un genre de boulevard. Voilà, exactement, c'est du boulevard. Hein. Okay. Cul-argent, hein, c'est ce qui fait rire. Ah, oui, c'est ce qui amène les gens à aller au théâtre aussi. Là. D'accord. Hein, rire de ce qu'on a de... Ouais. Puis moi, ça me va bien, parce que moi, j'aime bien me marrer. Tu vois, je me verrai pas au jour d'aujourd'hui. Je parle au jour d'aujourd'hui, peut-être avec l'expérience après. Je me vois pas aujourd'hui dans une scène classique, dans Molière, une pièce classique. Ou ouais. Shakespeare, ou... Molière, le si, parce que Corneille. Molière, pour moi, ça reste, tu vois, ou Feydeau. Je me verrais plus dans des pièces de théâtre comme Feydeau, c'est très marrant, portes, voilà, très énergique. Toi, il faut que ça bouge. Moi, il faut que ça pulse. Je me vois pas, moi, jouer dans du, je sais pas, du Shakespeare, Marivaux, non. Je pense que ça m'irait pas. Maintenant, je me trompe peut-être, mais enfin, je me connais. Mais ça peut être un beau challenge. Non, mais tu pourrais t'emmerder aussi, là. Dans quelque chose de trop, peut-être. De trop cérébral, ouais, de pas assez actif. Ouais. Toi, t'es une danseuse, donc il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça rêve, il faut que ça court, il faut que ça pulse, il faut que ça soit dynamique. Ouais, je pense que. Mais après, dire que je m'emmerderais, non, je pense pas, parce que tu vois, moi, je suis toujours. J'aime bien apprendre. Okay. Et j'aime bien me surpasser. Je suis une sportive à la base, hein, vraiment, tu vois. J'aime bien les challenges. Moi, tu me lances un défi, allez hop. Rien que pour te faire chier, je le réussis. Ah, c'est bien. Même ça. Ah, mais c'est la provocation, t'aimes bien provoquer. Ah, ouais. Okay. Moi, tu vas me dire, non, t'es pas capable de faire ça. Et bah, tu vas voir. Et pourtant, mais ouais, il y a ce côté un peu fier. Tu sais, les artistes, on est tous un peu fiers. Oui. Prêt à faire n'importe quoi. Prêt à faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Prêt. Toujours dans le respect de l'autre. Oui, et de... Oui, c'est ça. Mais il y a ce côté faire n'importe quoi, mais aussi prouver, faire mes preuves. Ah, oui, c'est ça. Prendre sa place. Ouais. Puis de toute façon, là, comme j'arrive dans le métier, il faut faire tes preuves, il faut montrer que tu es capable de tout, de t'adapter. C'est pas un metteur en scène s'adapter à toi, hein. Sinon ce serait le monde à l'envers. Mais dans tes cours de danse, est-ce que tu te mets toi-même en scène? Est-ce que tu te présentes aux autres? Est-ce que tu fais des spectacles en tant que danseuse? Alors, non. Moi, dans mes spectacles de danse, je donne des cours de danse à peu près 150 personnes. Quand je crée un spectacle, le but, il n'est pas de me mettre en avant. C'est sans prétention que je te dis ça. C'est les gens qui viennent à mes cours ou leur famille savent que je sais danser. Okay. Quel est l'intérêt de me mettre devant et de danser? Okay. Aucun intérêt. Ce qu'ils veulent voir, c'est leurs enfants, leur famille, leur sœur, leur mère. Okay. Donc moi, je vais mettre en scène, imaginer ce spectacle, mettre en scène. Là, tu vois, il y a 3 jours, j'ai mis en scène un spectacle autour du thème cabaret. Donc j'ai mis en scène toutes ces danseuses, je vais venir un transformiste, un animateur d'une radio qui a animé ce spectacle. On a recréé l'ambiance d'un cabaret, et voilà. Et à la fin, j'ai dansé. Voilà. En finale, je vais peut-être m'intégrer, je vais danser parce que ça, je pense que ça fait plaisir aussi au public de me voir danser. Ils veulent voir le professeur. Voilà. Voilà. Mais sur 3 heures de spectacle, il ne faut pas qu'on me voit 3 heures. Et puis, tu ne peux pas être au four et au moulin. Hein. Enfin, moi, mettre en scène, être sur scène, non. C'est à un moment donné, il faut garder ta place. Oui. enfin, je pourrais, je pense qu'on en est tous capables. Mais le regard, il faut avoir du recul. Ah, puis ça. Moi, je veux être au service, entre guillemets, de mes danseurs pendant le spectacle. Tu veux, s'il y a un problème, tu sais, tu as beau tout anticiper, il peut y avoir des merdes dans les coulisses, des trucs. Moi, tu sais, je suis un peu... j'ai du mal à déléguer. Okay. Tu vois ? Ah oui, ok. Alors, il faut que j'ai l'œil partout. Ah, tu sais, oui. Quand tu mets en scène, mais non, mais quand tu produis un truc, tu mets en scène, c'est compliqué de faire confiance. Enfin, c'est vrai. Parce que toi, tu l'as ici. Tu l'as dans la tête. Oui, alors, les costumes, le décor, les entrées, les sorties de scène, tout. C'est tout toi qui as tout rêvé. Alors, tout c'est dur de dire à l'autre, c'est, ben, non, c'est pas comme ça que j'ai ouais, vu la chose. Donc, en fait, moi, il faut que je sois partout. Ok. Donc, partout, plus sur scène, ça fait beaucoup. Hein. Oh oui, c'est incroyable. Ouais, ouais. Tu peux pas te mettre en scène. Et... Voilà. Donc, c'est un plaisir de danser, mais ça l'est autant de mettre en scène et de regarder. De voir les gens qui ne sont pas professionnels et qui un jour se présentent devant plusieurs personnes, des amis, des parents, et montrent qu'en fait, le petit garçon qui ne semblait pas apte à danser arrive à faire quelque chose. Ouais. Donc, c'est étonnant. Tu essaies de révéler en chacun. Je révèle tous les gens ont un talent. Moi, quand on me dit celle-là, elle a rien, c'est impossible. Tout le monde a un talent sur cette planète. Tout le monde a quelque chose. Mais d'artiste. Pas nécessairement de la danse. Pas nécessairement de la danse. Ouais. Mais tout le monde sait faire quelque chose avec ses mains, rêve, vibre, a des émotions. Donc tu es obligé, d'avoir un côté artistique. En danse, quelqu'un qui vient faire la danse à chez moi, il est attiré par la musique. Donc il a forcément un talent en danse. Maintenant, tu as des gens qui sont plus lents. Il y a aussi le rapport au corps. La danse, c'est quand même un rapport avec ton corps. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, c'est difficile d'exprimer quelque chose avec. Ah oui. Donc, moi, mon rôle, avant tout, avant de t'apprendre à danser, c'est d'avoir confiance en toi et d'être à l'aise dans ton corps. Ah, c'est un peu la psychologue, là, que t'as à toi. Ouais. Tu sais, moi, je suis professeur de danse, mais je suis avant tout professeur de sport, éducateur sportif. Tous les éducateurs sportifs te le disent. Le sport est juste un moyen, un outil pour transmettre des valeurs éducatives. Ouais, ouais. Le sport, c'est dépassement de soi, courage, partage, solidarité. Ah, oui. Tu vois, ça a plein de valeurs. Donc, tu te sers de la danse pour, échauffement, les gens vont s'échauffer, faire des abdos. Moi, je vais les pousser. Ils en ont marre. Je vais dire encore. Voilà, c'est de faire preuve de courage. Mais c'est surtout pour réveiller en quelqu'un ce qui l'enferme. Ce qu'il a peur. Ouais, et puis voilà, comme je dis, un exutoire. Et puis révéler à quelqu'un son propre talent, sa propre personnalité. T'as des gens en spectacle où beaucoup la famille va dire « J'aurais jamais cru que ma fille ferait ça sur scène ou qu'elle oserait mettre une tenue légère. » Tu vois, voilà. Donc, surprendre les gens qui connaissent elle. Qui connaissent cette personne qui va être, je te dis, un truc lambda, mais c'est vrai. Ouais. Tu sais, le poste très carré, comptable. Oh, oui, comptable, c'est connu pour être super coincé, très... grave, très sérieux. Très cartésien. Et puis tu vois, la meuf, elle est comptable sa semaine. Et puis à mon spectacle de danse, dans le thème cabaret, elle était pratiquement cul nu, à faire des poses aguichantes, à jouer un rôle. Et puis tu vois, ses collègues sont restés sur le cul. Ils ont dit ah oh. Et ben ouais, mais c'est génial. Elle va rentrer au bureau le lendemain. Et puis il l'a dit tu vois, elle va peut-être réussir à nouer des liens autres. Tu vois. On va la voir sur une nouvelle facette. Non, grâce à moi, elle va se faire un mec. Moi, arrive pas, mais grave. Quoique ça va arriver. Mais toi, tu es heureuse quand tu rends les autres heureux. Ouais. Donc, quand tu les vois rentrer, tu te dis à l'origine, ils sont comme ça, mais je dois les transformer. Carrément. Moi, tu vois, en septembre, quand les nouvelles personnes arrivent et que je les vois d'une certaine façon, je me dis, toi, dans 6 mois, tu seras plus pareil. Ouais. Et c'est... Je crois que j'ai jamais échoué, mais sans prétention. Ouais. C'est sans faire grand-chose, les gens, ils changent. Ah oui. Tu vois, c'est comme je te dis, toutes les rencontres que tu fais te font réfléchir, te font machin. Grandir. Te font changer. Tu prends ce que tu veux là-dedans. Là, hein? Après ça, t'es réceptive, t'es ouverte et tu viens tout prendre ce que la personne t'apporte. Ou à ce moment-là, t'étais pas bien, tu prends que la moitié ou même un quart. Mais tu vas prendre un petit truc, obligé. Ah oui. Et puis tu sais, quand je pense que beaucoup d'artistes, quand même, on a une personnalité assez forte. On est obligé d'envoyer et que la personne, elle se prenne ça en pleine face. Oui, mais voilà. Tu vois, moi, je sais que j'ai une personnalité forte. C'est pas moi qui l'ai inventée, on me le dit. Donc, tu vois, quand je te donne quelque chose, je pense que de toute façon, t'as pas le choix que de te le prendre en pleine face. Tu prends ou tu te sauves. Exactement. Ouais, tiens, ça concerne les hommes, ça. Mais en général, ils sauvent tous. Non, mais le genre humain, en général, je crois, moi, c'est soit que tu acceptes ou au contraire, tu fuis. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Moi, j'aime bien. J'aime pas la demi-mesure. Okay. C'est soit tu me dis merde, soit tu me dis oui, mais voilà. Tu fais quelque chose. Il n'y a pas, tu dis je rentre sais dans pas. L'action. Ouais. Tu me dis pas, je vais réfléchir, je sais pas. Bah ouais. Vas-y ou vas-y pas là. Tu vas ou tu vas pas, ou tu y crois tout de suite, tu me fais confiance et tu te laisses aller, tu me fais confiance surtout. Parce que tu vois, moi le métier de comédienne je le connais pas encore, le métier de danseuse je le connais. Même si je dois toujours apprendre, il y a toujours meilleur que toi. Oui. Oh oui, ça c'est sûr. Tu dois ça, toujours te nourrir, toujours. Ouais. Il faut toujours se comparer à mieux pour évoluer. Ou mieux, ou plus petit dans le sens, tu vois. Quand tu es passionné de quelque chose, tu dois toujours aller te nourrir, mais même pas forcément te nourrir de meilleur que toi, te nourrir. C'est ça, oui. Oui, même quelqu'un qui démarre dans la danse, il a certainement quelque chose à t'apporter, un autre regard. Ouais. Il faut te nourrir. Tu peux pas rester fermé dans un truc. Donc c'est ça que je te dis, chaque rencontre t'apporte. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis dans le rôle que tu joueras incessamment au cinéma, on va pouvoir te voir à Québec. Ben, j'espère. Sur grand écran. Mais j'espère, écoute. Je dirai aux auditeurs le titre de cette œuvre pour qu'on puisse. Mais je vais t'envoyer sur Facebook quand je vais rentrer à la maison. C'est pas sérieux là, je suis venue sans les infos. Écoute, j'arrive pas à. Mais savoir, c'est un film qui sera en 2012, je pense, hein, il sera, ouais. Et là, tu tournes bientôt, là? Alors, je tourne le 15 août, moi. OK, ah oui. Alors, tu vois, j'ai rendez-vous avec l'équipe de comédiens. Elle m'a dit vers fin juillet pour que tout le monde fasse connaissance. Ben, je suis super pressée. Ah, mais tu vois, c'est ça, mais tu dois avoir une certaine fougue, une hâte incroyable là, d'y passer, de rencontrer des acteurs. J'ai vraiment envie de vivre cette nouvelle expérience. Et vive le plateau. Vive le plateau. Alors, je connais un peu le plateau, mais peut-être ça va être différent, mais... la caméra, je connais, tu vois. Ça, moi, la caméra, ça me fait pas peur. Mais voilà, faire plein de rencontres, d'aller boire toutes les infos. Ouais, tu vois, moi, j'écoute toujours, je suis toujours un peu curieux. C'est pas beau, mais c'est puis un peu. Et en même temps, de faire ta propre pub. Ben, exactement. Pour être, Et puis de me surpasser, d'aller travailler, chercher des nouvelles émotions chez moi pour montrer que je suis capable de jouer. Et puis, tu vois, si le réa m'a choisi, il faut que je prouve que c'est bon. Et peut-être quoi. Qu'un prochain réalisateur, dans ce film-là, te verra. Il dit ah, ben, voilà, c'est une fille comme ça. Ah, mais ça va s'enchaîner, là, je suis sûre. Yes, parti. Ah, c'est la vedette. Ouais. C'est la vedette à venir. Ouais, non, mais moi, j'ai pas. Une vedette est née. Une étoile est née. Peut-être. En tout cas, je suis super optimiste. J'ai envie de faire plein de choses, découvrir plein de gens. J'ai pas ce côté un peu. Fermé ou alors. Je suis tout le temps en train de me poser des questions, de me remettre en question. Mais. J'arrive pas à douter que je vais échouer, tu vois. Ok, alors t'es confiante. Ouais, vachement. Mais t'es confiante. Une fille de taille, c'est pour ça que ça fait fuir les gars. Une fille de taille. Ouais. Ouais, mais les gars aiment pas trop les filles ah de non, taille. Ah non, pas du non, tout. Non. Une petite fille soumise, c'est toujours plus intéressant pour le Gino, pour le gars avec les gros biscottos. Ouais, un petit mais. Peu, un cervelet, donc. Ça doit être un peu ennuyeux, je me dis, au bout de parce quelques mois. Parce que là, deux personnes de taille, c'est incroyable. Ça se graffine. Ouais. Il faut que tu trouves un mec un peu soumis. Ah non! Ben, parce non, que deux personnes de tête, j'y crois pas. Ah oh ouais, mais soumis, non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un mec de caractère, tu vois que... Oui, mais sans être supérieur au tien, parce que sinon, c'est... Tu crois, ça va clasher? Ah oui, ben c'est incroyable! Ah d'accord. Ben oui, c'est incroyable! C'est invivable! Alors, je recherche un homme soumis. Eh ben voilà, non, mais pas soumis, mais semi-soumis. Alors, semi-soumis! Semi-soumis, quand même, il faut le dire. Bon, oui. C'est pas. De toute façon, les hommes, c'est pas du tout mon actualité. Hein. C'est pas d'actualité. J'ai pas le temps. Je suis désolée, messieurs. Ça, mais il faut jamais. C'est le jour où tu arrêtes de chercher que tu trouves. Ah, mais je cherche pas. Ok. Je cherche pas. Tu laisses aller comme disait Alain Bachelot. Je cherche pas du tout. Puis j'ai pas le temps, en fait. Hein, j'ai pas le temps parce que je cours toute la journée. Puis j'arrive à. Je me couche à 11h minuit. Je me dis, oh là là, s'il y a un mec à côté de moi. Il n'y aurait pas grand chose à. Oh, bah, je dirais, laisse-moi dormir tranquille. C'est ça, hein. Laisse-moi. C'est ça. Alors, retourne-toi et. Non, voilà. Je pense pas que c'est le moment, messieurs. Hein. Alors, ben, voilà. Mais ça risque d'être diffusé cet hiver. Donc, peut-être que ton actualité serait plus chaude pendant cet hiver. L'hiver, on a besoin de quelqu'un. J'ai 10 questions à te poser. Oui. 10 questions où tu peux prendre le temps, réfléchir. Extrapoler, je te laisse aller. Si tu étais un liquide? Oh bah tout simplement l'eau, parce que c'est la première source sur notre planète. Sachant qu'en plus je bois pas une goutte d'alcool jamais. Ouais, je sais, c'est catastrophique. Non, c'est un vrai on bonheur. On n'a rien dit. Non, le silence était... Ouais, le silence était... Ah ouais, pesant. Hein? Ouais, pesant. L'eau. Non mais pour danser, une femme qui boit de l'alcool, c'est jamais trop... Ouais, puis moi j'ai jamais été très branchée ça. Okay. L'eau tout simplement, okay. Voilà. L'eau, ouais, c'est bien. Source de vie. Si tu étais une ville? Une ville? Alors, ouais, c'est un peu difficile de répondre parce que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Ok. Parce que j'ai très peur de l'avion. Ah! Moi c'est une cata si je deviens une vedette. Oui, mais en auto, c'est encore pire, hein? Parce que quand ça tombe, en avion, t'es sûr de ne plus revenir. Voilà. Tandis qu'en voiture, tu peux être... Voilà. Bon, mais écoute, non, je vais dire Paris, mais c'est, alors c'est nul, nul, nul, nul, parce que... Parce que tu as grandi à Paris. Ben là, j'ai grandi à Paris, puis que j'aime beaucoup... Et quel arrondissement? Ben, j'aime bien le quartier du Marais. OK. Hein, c'est un quartier vivant, ouvert, où les gens sont assez... tu vois, Paris, c'est... J'adore Paris, mais faut quand même le reconnaître, on est un peu des têtes de con, quoi. Oui. Tu vois, on fait tous ben, la gueule. Ville, toujours des... Oui, ouais, non, mais les Parisiens, c'est un peu râleurs, ils font la gueule... Tu vois, moi, des fois, j'ai l'impression de me marrer un peu toute seule dans la rue, quoi. Ouais, c'est pour une folle. Ouais. Donc, il y a ce côté un peu que j'aime pas chez les Parisiens, mais j'en suis une. Hein, donc, le côté grognon. Ouais, grognon, faire la gueule. Ah, tu oui. vois, c'est un peu... Oh là là, mon Dieu, tu faire vois, on vit qu'une fois, quoi. Ah, oui, arrêtez ça. De faire la gueule. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une belle ville. Maintenant, j'aime beaucoup aussi Amsterdam, parce que c'est une ville que je connais. J'aime beaucoup Londres. Bon, on va dire si j'étais une ville Paris, parce que... C'est ce que tu connais le mieux. Ouais, c'est ce que je connais le mieux. Voilà. Si tu étais une langue. Une langue ouais. Oh, le français, incontestablement, hein. J'adore cette langue. Je trouve que c'est une langue très sexy. Oui. Tu vois, je connais, je sais parler anglais, allemand, italien un petit peu, espagnol aussi un petit peu, tu vois. Ouais, c'est, tu vois, italien, espagnol, c'est super sensuel. Oui. Oui. Mais le français, c'est pas mal quand même, hein, tu vois. Hein, non, non, j'aime beaucoup le français, ouais. Est-ce que tu crois éventuellement écrire des textes, écrire peut-être un one-man show, Moi, je suis assez douée dans l'écriture, c'est vrai. C'est une question que je me pose. C'est vrai que j'ai commencé à écrire, mais je suis pas arrivée à maturité, donc voilà. Tu laisses aller. Je laisse aller. J'ai vraiment, ça viendra. J'ai conscience d'avoir un vrai pouvoir comique. Okay. Tu vois, je suis un peu un clown moi. Okay. Je me prends pas au sérieux. La Annie Cordy. Ouais, grave. J'adore me marrer déjà. Okay. Et je fais marrer. Okay. Bon, là, pas aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, mais c'est très marrant. Mais tu vois? Ben oui, on se voit. J'adore marrer, j'adore faire marrer. Donc, ouais, pourquoi pas, tu vois? Ok. Si tu étais une époque. Je serais pas. Il y a beaucoup d'époques qui. Tu vois, les années 30, un peu l'état d'esprit, ça me plaît. Mais j'ai pas connu. Donc, tu vois. Tout ce qui est... Tu peux faire une projection aussi. Ouais, alors, tout ce qui est derrière moi, je pense que ça va aussi avec mon état d'esprit. Je dis toujours que hier est derrière. On n'est plus... Ouais, on peut plus rien y faire. Donc, j'ai plus envie de... Alors, je suis... Ouais, si j'étais une époque, je serais là maintenant, aujourd'hui. Parce que je suis vraiment ancrée dans le présent. J'ai vraiment conscience que, tu vois, demain, tout peut s'arrêter. Et tu te sens bien, là. Et je me sens bien, moi. J'aime pas les projets à long terme. Tu vois, si tu me demandes là dans 2 minutes comment tu te vois dans 10 ans, je te répondrai pas. Parce que ça ne sert à rien. Rien du tout d'y répondre. Je suis une époque, je suis aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est génial. Tu es dans le moment présent. Mais ouais. Mais ouais, il y a trop de gens qui sont là. Demain, je ferai ça, j'ai rendez-vous avec toi. Mais non, mais moi là aujourd'hui, faire je de la parle. Projection, je suis avec toi, il fait beau. Voilà. Ouais. Mois de juillet, merveilleux. Mais ouais, c'est super. Donc je suis une époque, je suis aujourd'hui. 2011. Le 5 juillet 2011. Là, ici et maintenant. Il a ici maintenant. Si tu étais un mot. J'hésite. C'est difficile là. Très réducteur là, ta question. Ah oui, ben oui. J'hésite entre. Mais je pense que je vais quand même dire compassion. Compassion. Ouais. Parce que c'est un mot. Humaniste. Humaniste, qu'on entend très peu. Oui. Qui est très peu dans les esprits. On parle beaucoup d'amour, mais très peu de compassion. Oui, essayez de comprendre l'autre. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent au jour d'aujourd'hui, je t'aime, et sans comprendre la valeur de ce mot. C'est vrai. Compassion, pour moi, c'est vachement plus fort. Essayez de. Oui, c'est vrai, d'aller plus loin. Tu vois, d'aller plus loin que l'amour, c'est-à-dire. Essayez de comprendre tous les gens différemment, et d'avoir de la compassion pour tous les gens. Oui. Chacun a son histoire. Quoi qu'il fasse, chacun a son histoire, ne pas les juger. C'est vrai. Et voilà. Chacun a sa façon de voir la vie. Si tu étais un aliment. Un aliment. Oh bah alors là, sans hésiter. Aliment, mais aliment, ça fonctionne. Aliment. Sans hésiter, le chocolat. Oh, pourquoi? Bah parce que j'adore. Je suis née. Tu peux pas trop en manger, je suis tombée dans le chocolat. Mais rien du tout, j'en mange tous les jours. Okay. M'en fous d'avoir un gros cul demain. Écoute, j'en mange depuis que je suis née. Lesquels? Quel chocolat? Oh, tout! J'adore le chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, c'est une cata. Oh là là. Alors si on veut te rencontrer, t'es dans une chocolaterie, n'importe quelle chocolaterie à Paris. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, et puis si on veut me faire un cadeau, tu m'offres un bouquet de fleurs, Bon, j'adore les roses, mais... Non, c'est du chocolat. Les tu veux me draguer, tu veux me séduire, allez, du chocolat, Oh, ok. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, je suis très chocolat. Ah, d'accord, une fille chocolat. Comme Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, la femme chocolat, ouais. Ok. Alors, si tu étais une saison... Oh, l'été. À cause de la chaleur? Non. Je vais pas, parce que tu vois là, il fait super chaud, on est en train de parler, on est en train de cuire. Oui. Hein, on est en train de cuire là. Oui, effectivement, ça commence à sentir. Ça commence à sentir. C'est merveilleux. Hein. J'aime pas trop ce côté, tu vois, où tu cuis, il fait trop chaud. Je trouve ça désagréable. Moi, ce que j'aime dans l'été, c'est voilà, le ciel bleu. Ça, tout de suite, ça agit sur ton moral. Oui. Tu vois. Donc, c'est plus. Voilà, je pense que l'été, on se sent plus libre. Il se passe quelque chose qui ne se passe pas dans les autres. On est plus heureux. Oui, voilà. C'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est l'été, c'est les vacances, c'est les enfants. Ouais, je sais pas, voilà. C'est l'été. J'aime bien, j'aime beaucoup l'été. J'aime pas avoir froid. Alors, tu vois, chez vous, là, au Québec. Non, c'est pas ta place. Oh là là là là, au Québec, attends, l'hiver, mon Dieu. Mais il te faut un mari qui te réchauffe quand même, un homme qui te réchauffe. Ah, je suis d'accord. Voilà, un bûcheron. Ouais, un bûcheron. Un bûcheron, Ouais, un bon bûcheron. Ouais, la senteur du bûcheron. Mais tu vois, il y a ma copine qui m'a invité l'hiver dernier, elle me dit viens faire un tour au Québec. Une amie? Oui, une amie qui habite au Québec. À quel endroit, Montréal? Montréal. Ok, moi, c'est Québec. D'accord. Et elle me dit viens passer l'hiver. Oh, j'ai dit t'es folle, toi, il fait moins 20 degrés chez vous, négatif, je viendrai l'été. Des fois, moins 35. Et voilà, ben, je te remercie d'en rajouter une louche, tu vois. Oui, on va mettre une couche. Donc écoute, moi, à moins de 35, je descends de l'avion, je congèle sur place. Ok, alors on doit t'amener avec une trottinette jusqu'à. Je sais pas, mais. C'est pas... On donne du chocolat. Tu sais comment vous faites pour vivre avec moins de 35 degrés? C'est merveilleux. Tu respires, mais tu ne respires pas. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, c'est une habitude. Hey non, c'est une habitude. Ah, mais moi, je pense que je meurs. Hein. Ah non, mais vis-le, tu vas voir. Ouais, bah écoute, on verra en 2012. Hein. Oui, on aura du chocolat pour toi. Ah, ça réchauffe. Ouais, mais je vais me casser les dents. Là. Oui, mais on le réchauffera du chocolat chaud. Ok. Si tu étais un membre corporel. Oh, bah je dirais bien quelque chose, mais j'en ai Vas-y. Un phallus. Ah ouais. Ok. Alors, j'aurais bien aimé être un mec. Enfin, okay. J'adore être une femme. Mais enfin, c'est quand même con, tu vois, qu'on n'ait pas de vie. Comment on se sent dans la jouissance? Oh ouais, s'il y avait ce pouvoir-là, d'être une journée un mec et de pouvoir, tu vois... Draguer une fille. Ah ouais, bah plus de la draguer et de la baiser, tu vois. Ouais. J'aimerais bien. Ok. Ah ouais, j'aimerais bien voir ce que ça Après fait. Après ça, tu reviens une femme. Ah, je sais pas. Okay. Si ça me plaît. Ah, ok. Ah, je sais pas. Mm. Parce que ça se trouve, c'est super top d'être un mec. Hein. Vous prenez vachement moins la tête que nous. Hein. Oh. Ouais, mais parce que c'est pas nous qui portons l'enfant, donc on peut faire ça. Ah ouais, mais ça c'est top, hein. Moi je pense que... Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. Après, chez moi là, si j'étais un... Ben non, mais si j'étais, je le suis. Ouais, tu es. Alors ton membre corporel? Ouais. À part du phallus que tu n'auras jamais. Ouais. Quoi que tu peux t'en faire, mais ça c'est Ouais, mais enfin, non, j'ai pas le temps, c'est complication. Hein, oui, je préfère avoir des nouveaux nichons que... Ah oui, t'es pour la transplantation, Ouais. Toi, t'es pour une... Chirurgie esthétique, c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas du tout contre. Hein. Mais toi, t'as pas été retouché? Non, pas encore. Ok. Pas encore, mais pourquoi pas. Et ce serait des seins? Ouais, j'aimerais bien me faire un peu les seins, là. Ah. Avoir des gros nichons. Enfin, pour pouvoir peut-être percer un peu plus. Ah non. Okay. Rien à voir. Ok, c'est pour toi. Non, c'est pour moi. C'est pour ton plaisir. Ah, je suis pas du tout en mode pour réussir, je me fais sauter par un producteur. Pas du tout. Non. Oh là là. Parce qu'à l'écran, ça paraît mieux. Ça, ouais, ça, mais non, tu vois, c'est un. Quoi que Nicole Kidman. C'est un complexe que j'ai. Enfin, un complexe, ça va. Hein, je vis bien, je suis pas en mode suicide. Hein. Mais il y a John Birkin. Hein, ouais. Oh, ouais, mais non. Mais non. Mais tu vois, c'est un complexe que j'ai depuis 3-4 ans, donc pourquoi pas? Ça n'a rien à voir. Alors ça cogite. Ouais, ça cogite. Je pense que alors l'année prochaine, je peux voir une autre. Je pense que tu me verras avec des gros lolos. Ouais. Ah oui, ok. Alors avec un mal de dos. Non, il est musclé, mon dos. Oui, c'est très léger. Non, mais j'ai pas prévu de me transformer, d'avoir des. Tu vois, des. Okay. C'est juste pour redonner un peu de galbe, tu vois. Oui, ok. Bon, bah, allez, tu rigoles. Oui, ben oui, je rigole, on peut s'amuser. Si tu étais un moment de la journée? J'aime beaucoup la nuit. Ok. Alors, tu vois, je suis pas trop à sortir, parce que j'ai pas le temps, mais j'adore faire la fête. Ah oui? Ah, j'adore, j'ai pas alors, le temps. Alors, danser, bien sûr. Ah, j'adore danser, j'adore sortir le soir et tout. Avec quoi, une limonade? Ah bah ouais, un petit Diabolo Grenadine, tu vois. Ok. Mais pas de bière. Ah non, je bois pas d'alcool. Okay. Pas de bière, moi. Non, je bois pas du tout d'alcool, rien. Okay. Même un petit peu alcoolisé que dalle. Okay. Mais tu sais, j'ai pas besoin de ça. Hein. Non, okay. Moi, tu viens en soirée avec moi, je bois mon Diablo Grenadine, c'est moi la première qui monte sur la table et qui te fait un strip. Tu vois, moi, je suis super... Okay. Je suis un peu dans un groupe, celle qui met l'ambiance. Oh, okay. Souvent, on croit que je suis bourrée, donc tu vois. Et pourtant, non, le cerveau, il est sain. Alors, c'est de nature. Ouais, c'est de nature. Okay. Moi, je m'éclate, je fais la teuf, j'ai pas besoin de boire. toi. Donc en fait, heureusement que je bois pas parce que je pense que là. Ouais, ok. Ça serait interview couché sur le. Ah ouais, on serait mal. Ah, mais peut-être ça serait original. Et ouais, première, écoute, hein, on peut essayer, pourquoi pas. L'année prochaine. À la prochaine, les gros seins. Ben oui, mais l'année prochaine. Alors je vais savoir sur qui m'appuyer l'année prochaine, ok? Ok. Alors pas par toi. Si vous étiez un autre individu. Connu ou pas connu? Un autre individu. Non. Je suis très mégalo, mais moi-même. Ok. Enfin, je sais pas. C'est une question un peu bizarre parce que tu sais, tu connais jamais vraiment les gens. Non. Mais et jamais. Tu connais pas toi-même. Mais même moi-même, j'aurais pas assez d'une vie pour me connaître et me découvrir. Alors, un autre individu, ça se trouve, je vais te dire oh, bah, j'aimerais bien être elle parce que je l'idéalise et puis qu'en fait, dans sa tête, elle est complètement tordue. J'ai déjà assez de mes torts de, tu vois, de moi-même, quoi. Ouais. Non, moi je souhaite être personne d'autre. Hey, oui. Tu vois, j'ai pas envie de. Non, moi je jalouse personne, okay. Ni envie. Okay. Je me dis pas, oh, j'aimerais être elle, avoir ses cheveux, ses seins, ses machins. Okay. Si ça se trouve, elle a des beaux cheveux, des beaux seins, elle a plein de fric, puis elle est super malheureuse. Oui. Tu vois, on sait jamais une fois que la porte est fermée. Oui. Oui. Moi, j'ai peut-être pas beaucoup de cheveux sur le caillou, des petits nichons. Tu vois, là, c'est pas pour longtemps les petits nichons. Voilà, en plus, ça va se résoudre. Mais une fois que je ferme ma porte, tout va bien. Avec, non, j'ai des merdes comme tout le monde, tu vois, je pleure. Je sais pas, je suis arrivée en retard, je tiens un coup, je me suis engueulée avec je sais pas qui. La vie tous les jours. J'ai mal à mon pied, j'ai mal à mon petit doigt, on s'en fout, mais je vais bien. Oui. Je suis super heureuse, donc personne d'autre. Et je pensais tout à l'heure, pendant que tu parlais à tes seins, est-ce que tu vas le dire à certaines personnes sans gêne que tu t'es refait? Ah bien sûr, je le dis déjà, j'en parle déjà. Tout le monde me dit que c'est ridicule, mais je suis pas le seul, hein? Mais je leur dis que je les emmerde, je les emmerde tous. Mais complètement. Okay. Parce que je fais ce que je veux quand même. Oui. Et tout le monde me dit que c'est ridicule, mais c'est pas grave. Okay. Mais non, moi je me cache pas. Okay. De toute façon, je vais te dire. Tu le dis à personne, à mon avis, c'est un peu grillé, hein, que tu te refais les seins, je crois. Ouais, hein. Ouais, parce que c'est visible. C'est visible. Ouais. Hein. Ah, ouais, ben, là, donc, tu sais, autant que je prévienne quand même que... Oui, mais que... Si on est à une première rencontre, je pourrais jamais savoir. Ah ouais? Ah, oui. Quand même un peu. Ben voyons donc, tu vas demander extra... À 38 ans, t'as les seins qui arrivent en dessous de ton menton, prends-nous pour un coup. Ah non, mais tu veux le méga, toi, là? Non, je veux pas les gros seins, mais je veux bien qu'ils remontent, tu vois. Ah oui, tu veux la montgolfière, là? Tu vas voler un peu, t'as pas mal aux pieds, tu vas pas faire une... Tu vois? Non, écoute, je pense que c'est grillé. Quand t'as 20 ans, 25 ans, on est d'accord, mais quand t'arrives à mon âge, que t'as les seins qui tiennent super bien à d'autres, tu vois? Je me vois pas demain m'en faire les seins puis qu'on me dise tu t'es refait les seins. Oh bon non, c'est naturel. Tu me prends pour un con. Oui, oui. Non, mais moi je m'en fous, je fais ce que je veux, je les emmerde les gens. Ok, oh, c'est bien. Voilà. Alors tu fais ta vie, les autres. Mais oui, okay. Qui es-tu, toi, pour me juger? Ah oui, c'est ça. Comment me connaît? Moi je juge pas. Toi tu fais ce que tu veux de ta vie, t'as envie d'avoir 10 femmes, t'as envie. Moi je connais pas ton histoire perso, ton histoire d'avant. Donc je suis qui pour te juger et pour machin? Moi, tout le monde me dit que c'est ridicule, mais moi, je vis. Bah moi, je suis complexée, qui est certes peut-être ridicule à tes yeux, mais pas pour moi, puisque moi c'est un complexe, vraiment. Okay. Donc alors, soit je vais voir un psy. Oui. On est d'accord. Soit je vais me refaire faire les seins. Pour les mêmes tarifs, à peu près. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Te refaire faire les seins, t'en as, tu vois, c'est un certain budget. Un psy, je suis pas sûre qu'il va me guérir en une séance, hein. On est d'accord. Donc il va me prendre tout mon fric, autant que je le foute dans des seins. Puis ça peut durer 5-6 ans. Et puis ça peut durer 5-6 ans, puis ça se trouve il m'aura guéri, mais après, bah dans 5-6 ans, t'imagines, mes nichons, ils seront encore pires, ils tomberont au niveau des pieds. Donc il faudra refaire psychologie. Alors que dans 6 ans, j'aurai des nichons qui tomberont toujours pas. Okay. Bingo. Ah, c'est une vision intéressante de ta vie. Si vous voulez des renseignements, appelez-moi. Alors, pour voir les photos avant et après aussi, là, quand même. Non, alors là, t'auras essayé, mais c'est foutu. Okay. Non, parce que je suis complexée, donc je ne me vois pas te montrer mes seins, quoi. Ok, avant et après, non. Après? Juste après, oui. Après, ouais, je te montrerai. Mais tu me disais que tu faisais de la danse sans trop te gêner, de te montrer. Mais ouais, mais je suis sur scène. Ok. Okay. Ah ouais, mais je monte pas mes nichons quand je danse quand même. Je suis pas stripteaseuse, loulou. Non, mais il y a nous une Inglis qui est une danseuse contemporaine qui danse assez souvent nue. Ah ouais, mais non, moi non. Okay. Hein. Non. Okay. Je danse, je peux danser un peu déshabillée, tu vois, genre je sais pas, tu danses une danse orientale, t'as un petit. Ah ouais, ouais, ok. T'es quand même assez dénudée. Enfin, j'ai jamais montré mes nichons encore pour l'instant. Ok, ok. Non, mais il y en a pour certains. Tu peux t'imaginer, mais donc quand tu les vois, tu t'imagines, tu vois qu'ils. T'as vite fait le tour quand même, ils sont tout petits, hein. tu vois là les soutiens-gorge c'est rembourré, je t'arnaque. Mais peu importe, c'est pas grave. C'est la fille qui m'intéresse, c'est l'actrice, c'est la danseuse, c'est la fille qui va faire des films, qui va s'affranchir. Oui, qui ça? Veut aller loin, qui veut réussir, qui y croit. Moi j'y crois. Ah oui. Je suis persuadée que quand tu as une volonté farouche de réussir, tu réussis. Effectivement. Tu vois, alors... Et quand on veut, on peut. Ah ouais. Ouais. Après, il faut faire des sacrifices, il faut travailler. Là, on n'a rien pour rien. Donc. Moi, je te dis pas que là, quand je te dis que je suis super heureuse, tout est beau, tout est rose, attends... moi, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ok, oui. Donc, j'ai pas un rond, il faut que je galère. Déplacer, ça vaut cher. Quand tu fais un casting, tu travailles pas. Donc tu vois, là, je galère. Hein. Mm. Je galère. Mais heureuse. Mais ouais. Intègre. Mais ouais, et puis je bosse, je travaille 15, 12, 12, 13 heures par jour, des fois 8 heures, des fois. Mais attends, je suis qui, moi, pour arriver et dire que je suis pleine de talent et qu'il me faut ma place? T'as plein d'autres gonzesses comme moi qui sont pleines de talent. Ah oui. Et qui méritent. Le marché est vaste. Donc, moi, j'écrase personne. Mais je crois aussi en moi, donc à un moment donné, il faut que j'arrive au bon endroit au bon moment. Donc il faut que je bouge. Il faut bouger son cul. C'est vrai. Il n'y a personne qui viendra taper à ma porte me dire oh, t'es super belle, je te veux toi. Pas encore. Ça viendra sans doute avec les rôles au cinéma et au théâtre. Voilà. Au théâtre, quand on te voit, on va. Voilà, je vais jouer au théâtre, on va peut-être me repérer. Je vais jouer dans si on va peut-être me repérer. Mais c'est sûr, on va me repérer. Tu vois, parce que t'es obligé sur cette planète, t'es obligé de plaire à certaines personnes et pas plaire. Ouais, voilà. Donc. Écoute, je pense que je vais forcément plaire à quelqu'un. Oui, oui. Et les créateurs sont là pour jauger ce qu'il leur faut. Ouais. Et tu vas cadrer dans un univers. Exactement. Ça, et surtout la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, je pense. Et le film en théâtre. Voilà. Donc c'est deux sphères diamétralement opposées. Exactement. Une la prostituée et l'autre la grosse comédie de boulevard. La femme dynamique, très autoritaire. C'est ça, bing, des répliques rapides, cours à droite à gauche, ferme des portes. Exactement. Donc, c'est tout à fait différent. Quoique c'est la même vivacité. Exactement. Mais c'est quand même deux mondes complètement opposés. Oui. Cinéma et théâtre. Tu vois, cinéma, on est sur une caméra, on refait la scène plusieurs fois, il n'y a pas de public, il ne se passe rien. Et tu ne dois pas trop projeter, tandis qu'au théâtre, tu dois projeter. Voilà, parce que exactement. Les gens sont... Le cinéma, tu dois être en place, deux minutes avant, tu es en train de te faire maquiller et hop, on tourne, tout de suite. C'est ça. Le théâtre, c'est y a un public, tu donnes. C'est ça. Tu donnes aussi à une caméra, mais vrai, c'est complètement différent. Mais tu peux avoir un blanc au théâtre, tandis qu'au cinéma, c'est pas grave, on reprend. On refait. Donc, au théâtre, non, hein, tu ne peux pas refaire. Non, c'est. Mais moi, j'adore. Ben, tu c'est du spectacle vivant. Je suis plus attirée quand même par le théâtre. Parce que le théâtre, tu te mets en danger. Et puis bon, moi, je suis une femme, tu vois, qui a besoin d'émotions, de vibrer. Moi, le théâtre, là, le public, moi, c'est le public qui me fait triper, tu vois. Ah, ce qui te renvoie, ce que tu lui donnes et ce qui te renvoie. Et tu reviens chez toi avec un imaginaire, une légèreté, heureuse d'avoir accompli, d'avoir fait rire. Carrément. Une salle qui en rame le matin, aller bosser, revenir le soir. Puis là, se dire, bon, on va au théâtre, on va se relaxer et on se pointe au théâtre pour te voir. Ouais. On rigole un bon coup, on rentre à la maison plus léger, et on recommence le travail peut-être avec moins de tracas. C'est jubilatoire, ça. Oui, voilà. C'est vraiment le top. Oui. Ben Barbara, merci d'être passée à mon émission. Ben merci à toi, Rénal. Et je ferai aux auditeurs une comparaison avant et après l'année prochaine. D'accord. OK, bon, on fait ça comme ça. Donc l'année prochaine, on se retrouve avec mes gros nichons et bourrés. Oui, et surtout un film. Et un film et une pièce de théâtre. Donc, oui, la pièce de théâtre, c'est plus difficile, sauf pour quelqu'un qui visite Paris. Ouais. L'année prochaine, hein, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Ben après, moi, j'ai pas de problème de... On peut me demander en ami sur Facebook. Je peux donner mon... Oui, vas-y, ben oui. Donc, je suis Barbara Grassi, comédienne. Vous me demandez sur Facebook. Je serais ravie de devenir votre amie. On peut échanger, tu vois. Et tu peux trouver ton mari. Oh, ben oui, un Québécois, allez. Mais quel bonheur. Un bûcheron Québécois. Ah, oui. Allez. Assez fort, quand même. Ouais, ah ouais, moi, j'ai besoin d'un mec grand et fort qui me protège. Parce que, t'as vu, je suis petite et... Ben oui, voilà, c'est ça. Voilà. S'il veut profiter de tes nouveaux... Ah oui, alors, mes nouveaux nichons, c'est vers septembre-octobre. Donc, bon, à voir si tu viens maintenant ou plus tard. C'est ça, mais s'il veut vivre avant et après, ce serait le moment. Et ouais. OK, merci, Barbara. Merci, au revoir. Salut, à la prochaine.